Et plus, de toute manière, plus le serviteur, il connaît sa personne, plus il pensera du mal d'elle. Et plus il verra ce que Salafon dit, quelle est la source de tous les maux. Contrairement à ceux qui sont satisfaits de leurs adorations et qui pensent du bien d'eux-mêmes, ça, en réalité, ça indique une frivolité et un étourdissement et une folie chez la personne. Un manque de bon sens. C'est pour ça que tu trouves que les gens des grandes volontés, des grandes déterminations, les gens de l'muhasaba, les gens qui jugent leurs âmes en permanence et qui font les comptes avec eux-mêmes régulièrement, tu trouves qu'après avoir terminé une des plus grandes adorations de l'islam, ils demandent à Allah de leur pardonner. Car dans leur cœur, ils réalisent tous les manquements et que cette adoration n'arrive pas à ce que mérite Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le font par exemple dans le Hajj. C'est légiféré dans le Hajj. Après avoir quitté la station de Arafat, il est légiféré de demander le pardon. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sa demande de pardon est légiférée après Qiyam al-Layl, vers la fin de la nuit, après avoir veillé la nuit en prière, il arrive juste avant l'aube, il pleure, il demande à Allah de lui pardonner. Qu'est-ce qu'on doit dire, nous? Wallah al-musta'an. Et c'est à cause de cette muhasaba que Sahaba, comme il les a décrits, Abdullah ibn Abi Mulaika, rahimahullah, il a dit, j'ai rencontré 70 parmi les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tous, ils craignent l'hypocrisie. Ils craignent tous d'avoir de l'hypocrisie. C'est pour ça les compagnons, radiyallahu anhum, tout en ayant atteint le summum et le maximum dans les efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses différentes catégories, dans sa diversité, tu les trouves partout dans toutes les adorations, et malgré qu'ils ont excellé dans les adorations, ils pensaient, ils ont atteint aussi le summum dans dans envers eux-mêmes. Ils pensent du mal de leur personne et de leur nefs. Ils ne pensent jamais du bien de leur nefs. Et contrairement à nous, tu trouves qu'on a beaucoup de négligence dans nos adorations et malgré ça, on pense du bien de nous-mêmes. Et la preuve, c'est notre satisfaction de nos adorations.